Bienvenue dans la Pop Glock, lieu situé entre le monde réel et l'irréel, c'est-à-dire le monde de la trance musicale. Nouvelle journée, nouvelle soirée se terminant dans la salle de la rave. Cet endroit ressemble aujourd'hui à un ancien hôtel particulier avec de nombreuses pièces grouillantes de monde, de vie et de joie. J'espère que vous m'entendez bien, je vous parle actuellement du toit sur la cheminée afin de capter le réseau. En tout cas, Blash Blaster d'une minute à l'autre va prendre les platines et délivrer un set débutant sûrement sur de la house vers de la techno et de la trance. Bref, un set dont il en a le secret. Ici dans la salle de la rave, le public de la salle commune est chauffé à bloc. D'ailleurs, on va rejoindre Victor, notre correspondant dans la fosse. Bonsoir Victor. Oui Thomas, je vous entends. Alors comme vous venez de le dire, la salle n'attend qu'une chose, c'est d'en découdre avec une musique blash-blasterienne. D'ailleurs ici où tout est possible, certains dans la foule ont même créé des montagnes russes. D'autres ont repoussé le plafond de l'hôtel afin de créer des nénuphars géants flottants au-dessus de la fosse pour mieux profiter du spectacle. Ça va être vraiment la folie. Victor, Blash Blaster vient de débuter son set. Alors sans plus attendre, on écoute le set de Blash Blaster en live dans la salle de la rave. Bonne écoute pour 2 heures de mix dans la Pop Glock. 1-0. Not, not, not. I'm account is not available at present. Please leave your message after the beep. déconnexion.